إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد مرحبا بكم et bienvenue à tout le monde. En fait, je me suis trompé, j'ai fermé le salon sans le vouloir. Je m'excuse du dérangement. Non, par cette soirée du 16 Sha'ban, bi'idhnillah azza wa jal, 16 Sha'ban, c'est-à-dire le 29 août 2007. Non. On va, inshallah ta'ala, commencer un dars sur le siyam, sur le jeûne et les règles du jeûne, les règles du siyam. Mais encore faut-il savoir que il ne reste pour le ramadan que quelques jours, c'est-à-dire que cela ne va pas nous suffire, surtout si yani, je vais parler avec beaucoup de détails et avec une certaine exubérance. C'est sûr que cela, on ne va pas terminer. C'est pour ça que j'ai préféré, inshallah ta'ala, de ne pas trop rentrer dans les détails. D'ailleurs, la fois passée, si vous vous rappelez, il y a un an à peu près, quand on a fait le siyam, on a commencé bien avant, un mois et demi avant, et bien sûr, on a parlé avec des détails. Donc cette fois, inshallah ta'ala, on va essayer de ne pas trop rentrer dans les détails, juste pour finir, inshallah ta'ala, avant le ramadan. C'est pourquoi aussi je serai obligé de revenir à mon ancien programme, c'est-à-dire 3 cours par semaine, à cause pour que je puisse terminer, c'est-à-dire mercredi, samedi et dimanche. Mercredi, samedi et dimanche, comme ce sont les jours de cours. Inshallah ta'ala, on terminera avant le ramadan. Je disais que beaucoup de musulmans, font beaucoup de fautes dans le siyam, beaucoup de fautes, non? Car beaucoup ne veulent pas apprendre, beaucoup se suffisent à quoi? À l'imitation, taqlid, hein? Ils disent j'ai la niya dans le cœur, j'ai la sincérité, ça suffit, c'est pas la peine d'apprendre. Ils savent pas 2 choses: premièrement que talab al-ilm est obligatoire, talab al-ilm est obligatoire. Demander la science est obligatoire, surtout quand la science a rapport avec des actions, comme ici. Quelqu'un qui va commencer à jeûner, il est obligé de connaître les règles du jeûne. Et celui qui va commencer, celui qui va aller au Hajj ou bien à la Umrah, il est obligé d'apprendre les règles du Hajj et de la Umrah. Et celui qui va se marier, il est obligé d'apprendre les règles du mariage. Et comme ça. Naam. Ensuite, ce qui est malheureux, c'est que lorsqu'on ne connaît pas bien le din, par exemple, lorsqu'on ne connaît pas bien les règles du siyam, il va se passer une des 2 choses. Ou bien, on va faire des choses qui sont illicites et on croit que ça se fait. Non, comme certains gens, par exemple, vont faire des choses qui, ces choses, annulent le siyam. Et ils ne savent pas que ça annule, premièrement. Ou bien c'est le contraire. Ou bien, on va s'abstenir de choses qui sont permises. Il est permis de les faire pendant le ramadan. Certains vont s'abstenir, pourquoi? Toujours par ignorance. Comme ceux qui ne savent pas, par exemple, qu'on peut prendre une douche. Il y en a qui disent, tu prends la douche, tu vas annuler le siyam. Comme ceux qui ne savent pas, par exemple, qu'on peut enlacer sa femme. Il y en a qui disent, tu enlaces sa femme, tu as annulé ton siyam. Et comme ça. Donc, ceux qui les ignorants, ils sont toujours dans les extrêmes. Ou bien ils ne font pas ce qui leur est permis, ou bien ils font ce qui n'est pas permis. Donc, on va commencer, inshallah ta'ala, directement. Je vais dire bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Vous savez que le fait de jeûner, c'est un pilier. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une obligation, mais l'un des cinq piliers. L'un des cinq piliers de l'islam. Naam. Attendez une seconde. Barakallahu fikoum pour ceux qui m'écrivent un naam, pour savoir que je suis connecté. Je disais que l'un des cinq piliers de l'islam. Et bien sûr, il a beaucoup de mérite. Naam, le siyam a beaucoup de mérite. Je vais me suffire à quelques hadiths, un ou deux, pour parler des mérites du siyam et du jeûne. Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith, il a dit, vers sa fin, والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que quand quelqu'un fait le jeûne, quand quelqu'un jeûne, vous savez que quand on jeûne, on a une mauvaise odeur qui se trouve qui sort du ventre, Cette mauvaise odeur qui nous paraît mauvaise, eh bien, pour Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jure que cette odeur, pour Allah ta'ala, est mieux que ce qui est pour nous l'odeur du parfum et l'odeur du musc. Naam. Donc, les choses chez Allah et chez nous, ce n'est pas la même chose. Pour nous, quand on sent quelqu'un qui a cette odeur, non, on n'aime pas cette odeur. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, cette odeur, c'est mieux que l'odeur du parfum et l'odeur du musc. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي. C'est-à-dire que mon serviteur va s'abstenir du manger, de s'en manger, et de s'en boire, et de shahwatahu, et de sa tentation, à cause de moi. Allah Ta'ala dit comme ça, il dit, mon serviteur, à cause de moi, va laisser s'en manger, s'en boire, et, c'est-à-dire, sa femme, et la femme va laisser son mari, c'est-à-dire, il ne va pas l'approcher, à cause de moi, c'est-à-dire, donc cette personne, elle est mashallah, qui peut ne pas faire des choses, juste pour ravir Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est Allah ta'ala qui nous a dit de nous éloigner de ces choses pendant le jeûne. Et remarquez une chose. Pourquoi ici, quand il a dit يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَبَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِكَ. Quand il a dit, il délaisse ou il s'éloigne de son manger et de son boire et de sa tentation à cause de moi. Pourquoi? Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, et je crois que vous le connaissez, c'est juste un petit rappel, qui dit que dans le paradis, bien sûr c'est un hadith sahih, c'est pas la peine de vous dire à chaque fois c'est le hadith sahih, je ne me base que sur le sahih, c'est pas la peine de yani, qu'à chaque fois je vous dis cela. Je disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y avait dans le paradis une porte. Vous savez que le paradis a 8 portes, hein? Le paradis a 8 portes. L'une des deux portes, les portes ont des noms. L'une des deux portes s'appelle Ar-Riyan. Et par cette porte, ne peut rentrer que celui qui jeûnait. Car il est possible que quelqu'un soit un musulman, par exemple, et il ne jeûne pas. Non. Il n'est pas devenu kafir. Tant qu'il reconnaisse dans son cœur qu'il y a le ramadan, il n'est pas kafir. Mais celui-là, même s'il rentrera au paradis, il ne va pas rentrer par cette porte. Il ne profitera pas de ce qu'il y a à l'intérieur de cette porte. Si on rentre par cette porte, il y a des choses qu'il n'y a pas dans les 7 autres portes. Naam. Donc, cette porte, comment qu'elle s'appelle? Elle s'appelle Riyan. Riyan, ça vient de quoi? Ça vient de l'arabe. Ray. Ray. C'est difficile à trouver en français. Enfin, je connais le mot, mais je ne l'ai pas seulement. C'est-à-dire que, regardez, quand quelqu'un est assoiffé, ensuite, il a bu on dit Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maintenant, c'est quoi? Il a le ray, khlas, rawi, Alhamdulillah, Alhamdulillah. C'est comme quand on a faim, on dit je me suis rassasié. Maintenant, quand on a soif, on a bu, ça s'appelle, il y a quelqu'un qui est en arabe, on dit rayen, c'est à peu près comme, il y a shib'an, shib'an qui n'a plus faim, radban, radban, qui est énervé, sakran, sakran, qui est saoul, rayen, rayen, qui a beaucoup bu. C'est quelqu'un qui a beaucoup bu. Pourquoi? Pourquoi dans le paradis, il l'a appelé rayen, c'est-à-dire pour celui qui a beaucoup bu, c'est-à-dire bien sûr quelqu'un qui va beaucoup boire, pourquoi il l'a pas appelé par exemple pour quelqu'un qui a faim, pourquoi il a parlé seulement de l'eau, il l'a appelé avec de l'eau, il l'a pas appelé avec le manger. Pourtant, celui qui a fait le jeûne s'est abstenu du manger et du boire. Mais Allah Ta'ala a choisi d'appeler la porte par quoi? Parce qu'il fait plaisir à quelqu'un qui a soif et pas à quelqu'un qui a faim. Pourquoi? Parce que les ulama ont dit, parce que quand on jeûne, c'est beaucoup plus difficile de supporter la soif que de supporter la faim. C'est très rare que quelqu'un dise je meurs de faim, là je vais manger. Mais beaucoup disent je meurs de soif. Je meurs de soif, surtout si l'été, pardon, surtout si le jeûne tombe en été. Naam. Ceux qui ont vécu le jeûne en été, c'est vraiment difficile. Je ne sais pas combien d'heures, 13 heures, je ne sais pas, à jeûner avec un soleil très chaud, c'est difficile. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a appelé la porte à rien, yani, ce qui a rapport avec de l'eau, naam, et non pas le manger. Et je voudrais aussi ajouter un autre hadith en parlant de Fadl Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que As-Siyam ou le Coran yishfa'ani lil abdi yawm al-qiyamah. Le Coran, naam, As-Siyam ou le Coran yishfa'ani lil abdi yawm al-qiyamah. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit le jour de la résurrection, le jeûne et le Coran vont faire l'intercession au serviteur, naam, à la personne. Le jeûne et le Coran vont faire l'intercession à qui? Au serviteur. Naam. Que dira le jeûne? Il dira Ey Rab, ô Seigneur, mana'tuhu ta'am ou shahwa. Je l'ai éloigné du manger et de sa jouissance, de sa tentation. Fashfi'ni fi. Accepte mon intercession. Et le Coran dira, je l'ai empêché du sommeil la nuit. Naam, mana'tuhu nawma billayl. Je l'ai empêché du sommeil la nuit. Accepte mon intercession et Allah subhanahu wa ta'ala acceptera leurs intercessions. C'est un hadith sahih, comme j'ai dit, dans si c'est la sahiha et dans sahih al-Nasa'i. Et remarquez ici que le Coran, qu'est-ce qu'il dit le Coran? Il dit, je l'ai fait abstiendre de quoi? Il s'est abstenu de quoi? Il s'est abstenu à cause de moi, il s'est abstenu de son sommeil. Il ne dormait pas. C'est une preuve que quoi? Que celui qui a appris le Coran, ce n'est pas pour aller le lire quand quelqu'un meurt. Il va aller le lire, naam, et des fois il fait le commerce. Il leur dit, combien vous voulez que je lise? C'est hein, combien? 50 euros, je voulais un hizb. Vous voulez un juz? Vous voulez deux hizb? Alors c'est 60 euros. Et ils font comme ça le commerce, Allah l'a dit, mais il y en a beaucoup. Naam. Mais celui qui a appris le Coran, c'est comme il a dit ici, il a dit, je l'abstenais de son dormir. Il ne dormait même pas. À cause de quoi? À cause de, il lisait la nuit ou bien faisait la prière en lisant. Donc vous voyez pourquoi on apprend le Coran. Ce n'est pas pour aller le lire sur les morts, mais c'est plutôt pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ce Coran. Et ce n'est pas étonnant, j'espère que vous ne vous êtes pas étonné quand vous avez entendu le hadith dire que le Coran va parler et que le jeûne va parler. Naam, ce ne sont pas, bi'idna azza wa jal, des choses étonnantes pour qui? Pour le croyant. Le croyant, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, الذين يؤمنون بالغيب ceux qui croient au mystère et ceux qui croient à l'invisible. C'est ça le croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le Coran viendra et parlera. Et le jeûne viendra et parlera. Et il a dit que Sourate Al-Baqarah et Sourate Ali Imran viendra sur ta tête et parlera. Je dis quoi? Je dis Sami'na wa Atana. Je dis j'ai entendu et j'applique. J'ai entendu et j'applique. Parce que je crois au mystère et je crois à l'invisible. Naam. Et c'est pour ça que, par exemple, celui qui ne faisait pas la zakat, celui qui cachait son argent et cachait son or, il ne faisait pas la zakat, quand il sera dans sa tombe, vous savez que il y a un serpent, naam, un serpent qui viendra. Donc, subhanallah adim, les choses vont se transformer, les actions se transforment en choses yani, qui ont des vies, hein, en serpent, en personne, et comme ça. Naam. Maintenant, qu'en est-il pour celui qui mange un jour, naam, ou bien mange tout le mois, naam. Qu'en est-il pour celui qui mange un jour ou bien qui mange tout le mois? On va dire, celui qui mange et ne jeûne pas, à part d'excuser. On ne parle pas de celui qui est excusé ou qui est malade ou qui est fou ou qui est jeune. On parle en général. Naam. Quelqu'un qui n'a pas d'excuse et qui maintenant ne va pas jeûner. Celui-là, il se divise en deux groupes. Ou bien, il ne va pas jeûner en disant, je renie le jeûne. Le jeûne, je le renie. Naam, il n'existe pas, je m'en fous. Il n'y a pas de jeûne pour moi. Je ne le reconnais pas. Celui-là, c'est un kafir à l'unanimité. Et celui qui dit il n'est pas kafir, devient lui-même kafir. Naam, parce que celui-là, il est kafir à l'unanimité. Bien sûr, sauf si c'est par exemple un nouveau reconverti qui ne sait pas, etc. Celui-là, il est excusé. Il ne connaît rien du dîn, on lui apprend. Mais quelqu'un qui a vécu avec les musulmans toute sa vie, et était musulman et a dit non, je ne reconnais pas le Seigneur, celui-là, il est devenu kafir. Et le deuxième cas, c'est celui qui ne fait pas le carême et pas le jeûne, tout en le reconnaissant. Il dit, je reconnais qu'il y a le jeûne, je reconnais qu'il faut le faire, mais moi je le fais pas, c'est tout. Yani, j'aime manger ou là je ne sais pas. Non. Celui-là, celui qui mange, le deuxième cas, on parle du deuxième cas, écoutez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit de lui? Il a dit, une fois, pendant que je dormais, deux hommes me sont venus et sont approchés de moi. Deux hommes, bien sûr, dans les songes, ce sont sûrement deux anges. Ils m'ont pris par les bras et ils m'ont emmené vers une montagne vraiment difficile à escalader. Faqala is'ad. Les deux personnes m'ont dit, monte, escalade la montagne. J'ai dit, il n'est là au tepo. J'ai dit, c'est pas possible. Je ne peux pas monter une montagne abrupte comme celle-là. C'est pas possible. Ils ont dit, inna senu sahilulak. On va te faciliter la tâche pour que tu puisses monter. Fasa'itu. Je suis monté. Ataydakuntu fi sawa'il jabal. Jusqu'à ce que je sois arrivé au milieu de la montagne. Fa'idha bi aswat shadida. Voilà que j'entends des cris horribles. Des cris forts et des cris horribles. Qultumahadil aswat. J'ai dit, c'est quoi ces voix? C'est quoi ces voix? Qalu hadha ruwa'u ahli an-nar. Ils ont dit, tu es en train d'écouter qui? Tu es en train d'écouter, yani, ceux qui sont en enfer et qui sont en train de crier. Tu es en train d'entendre le châtiment de ceux qui sont en enfer. Car ceux qui sont en enfer, sûrement qu'ils crieront. Ils pleureront des larmes de sang, comme c'est dans un hadith sahih. On ne peut pas pleurer sans crier quand on nous fait mal. Naam. Il a dit donc, tu es en train d'entendre des gens de l'enfer qui sont en train de crier. Je n'oublierai pas de dire très vite que la cassette qui a circulé, je ne sais pas si elle est arrivée en France ou pas, mais elle est arrivée au Koweït. Comme quoi, on entendait les cris des gens qui sont en enfer, qui entendent des femmes et des enfants et des hommes en train de crier, je n'oublierai pas, inchallah ta'ala, de vous dire que cela n'est pas vrai. Et que c'est quelque chose de fabriqué. Et que c'est impossible que quelqu'un entende, tout en étant vivant maintenant, qu'il entende ceux qui sont en train de crier, yani, dans la tombe. Naam, elle est arrivée. Ah, alhamdulillah, mabrouk alaykoum. Mabrouk alaykoum, puisqu'elle est arrivée chez vous. Mabrouk alaykoum. Donc, c'est impossible que quelqu'un puisse entendre, sauf si Allah Ta'ala le fait entendre. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si je n'avais pas peur que vous ne vous enterriez pas, j'aurais alors demandé à Allah de vous faire entendre les cris des gens de la tombe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne peut entendre jusqu'à ce que je demande à Allah qu'il vous fasse entendre. Donc c'est impossible que quelqu'un puisse entendre les cris de ceux qui sont dans la tombe. Al-Muhim, je reviens au hadith. Summa intalaqa bi. Il a dit ensuite, les deux m'ont yani pris et on a continué le chemin. فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَقِبِهِمْ. Et voilà que j'arrive à un endroit, je vois des gens qui sont accrochés par leurs tendons. Imaginez, la tête vers le bas et accroché, yani les pieds vers le haut. C'est très difficile. Vous savez que c'est très difficile. Et c'est l'une des méthodes que font certains gens pour, ici dans la vie, pour châtier d'autres. Non. Ils leur mettent les pieds en haut et la tête vers le bas, et ensuite, il y a le sang qui commence à descendre des pieds d'en haut vers la tête, jusqu'à ce qu'on perde connaissance, et jusqu'à ce que ça devienne grave, bien sûr. Il a dit, Mushaqqaqatun ashdaquhum. Et ces personnes-là avaient la bouche du côté droit et du côté gauche, ça a été tellement étiré vers la droite et vers la gauche que ça a fait fondre yani la bouche. Imaginez notre bouche vers la droite et vers la gauche yani coupée. Naam, c'est vraiment yani grave. Tassilu ajdaquhum daman, et les lèvres couler de sang. Les lèvres couler de sang. Ultumen ha'ulai. J'ai dit, qui sont ceux-là? On m'a répondu, alladhina yuftiruna qabla tahillati sawmihim. Ce sont ceux qui mangent avant l'heure. Ceux qui mangent avant l'heure. C'est-à-dire, barakallahu fikum, si celui qui mange avant l'heure, c'est-à-dire il fait un peu de jeûne, il fait la moitié de la journée, ou bien il fait les trois quarts, ensuite il dit, je mange. Classe, j'en peux plus, je mange. Imaginez, voilà son châtiment. Qu'en est-il de celui qui ne le fait pas du tout? Celui-là, il a jeûné et il a mangé avant. Non, il a mangé avant, il a dit, moi je m'en fous, je mange. Regardez, quel est son châtiment. Qu'en est-il de celui alors qui ne fait pas le carême du tout et qui ne jeûne pas le jour? C'est pour ça que la vie le plus juste des ulama, c'est quoi? C'est de dire que si quelqu'un mange sans raison un jour, ce n'est pas la peine d'essayer de le rattraper, ni d'essayer de faire la kafara et de rattraper les deux mois, etc. Tout cela n'est pas vrai. Inama, comme on dit les ulama, c'est un zindiq. Les salafs disaient, celui-là c'est un zindiq, c'est-à-dire c'est un munafiq celui-là. Non, c'est pas la peine de dire, je vais manger comme ça sans raison et après je vais faire un autre jour le rattraper, ou bien je vais rattraper deux mois. Le ramadan ne se rattrape pas, sauf pour quelqu'un qui est excusé. C'est à peu près comme la salate. La salate ne se rattrape pas, sauf pour quelqu'un qui est excusé. Si quelqu'un dit, je ne vais pas faire la prière, par exemple, jusqu'à ce que son moment et son heure sortent, ensuite je vais la faire, on lui dit, c'est pas la peine de te fatiguer. Ce n'est pas la peine de te fatiguer, elle ne se rattrape pas. Pourquoi? Certains vont dire donc la salat n'a pas d'importance. Au contraire, elle est tellement importante que tu ne peux pas la rattraper. Il n'y en a qu'une seule. Dans chaque jour, il y a une seule salat, un seul sobh, un seul dor, un seul asr, un seul maghrib, une seule isha. Tu ne peux jamais la rattraper si elle passe. C'est comme s'il y avait un avion à 5 heures du matin et l'autre à 1h, l'autre à 17h, l'autre à 20h et l'autre à 22h. S'il part, salam alaykoum. C'est pas la peine de prendre le bus ou d'aller courir, c'est, ni de prendre le vélo. L'avion est parti, c'est trop tard. La même chose pour la salat, la même chose pour le jeûne. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu fasses aujourd'hui le jeûne. C'est pas que tu le rattrapes par 2 mois dans un an. Il veut que tu le fasses aujourd'hui. Et Allah ta'ala veut que tu fasses aujourd'hui salat al-asr, aujourd'hui. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Qasi Salaf, est-ce que tu es là? Qasi Salaf, est-ce que tu es là? Naam, quand je me déconnecte, l'un de vous qui n'a pas le point rouge, normalement, met le Coran, inshallah ta'ala. Toi ou bien Mahajir ou bien les autres. Le Mouhim. J'étais où exactement? Qu'est-ce que vous avez entendu? La dernière chose que j'ai dite, c'est quoi? Naam, c'est quoi la dernière chose que j'ai dite? Car je ne sais pas exactement quand est-ce que je me suis déconnecté. Est-ce que je parlais de la salat, hein? La salat, que ça se rattrapait pas. Est-ce que vous avez entendu cette chose? Que la salat, ça se rattrapait pas. Naam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Arrivé salat al-asr. Naam. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la vie le plus juste, c'est que ceux qui n'ont pas fait la salat, ceux qui n'ont pas fait la salat, car il y a des gens qui n'ont pas fait la salat jusqu'à l'âge de 40 ans, 30 ans, ils n'ont pas fait la prière. Ensuite, il a commencé à appliquer. Et il se dit, est-ce que je vais rattraper les années où je n'ai pas fait la salat? La vie le plus juste, Inch'Allah Ta'ala, c'est de lui dire de ne pas rattraper. Ce n'est pas la peine de te fatiguer, mais en revanche, fais beaucoup de nawafil, fais beaucoup de prières surérogatoires, car il est dit dans le hadith, sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le jour de la résurrection, quand Allah Ta'ala va nous demander qu'on lui montre notre savat, s'il trouve qu'elle est manquante, il y a des choses qui manquent dans la salat, il va dire aux anges, regardez mon serviteur s'il a fait des prières surérogatoires. Il ne va pas dire, regardez s'il a rattrapé la salat ou là. Regardez s'il a fait des choses surérogatoires. Donc l'avis le plus juste, c'est de ne pas rattraper la salat quand on n'a pas fait autrefois. Qu'on n'a pas fait autrefois. Autre chose aussi, pourquoi? Quel est le délit? Il y a deux délits comme ça, très vite en passant. Le premier délit, c'est que le kafir, le mécréant, quand il rentre en islam, on lui demande pas de faire de rattraper. Ça, le mécréant, il rentre en islam à l'âge de 70 ans, on va pas lui dire, va rattraper la salat à partir de 15 ans que tu n'as pas fait. On va pas lui dire cela. Donc, comme a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, si le kafir, si le mécréant, on lui dit pas rattrape, alors le musulman, par primauté, le musulman, par primauté, on ne va pas lui dire rattrape. La preuve, le kafir, on ne lui dit pas. Comment alors va-t-on dire aux croyants? Ça, c'est l'un des délits. Le deuxième délit, la deuxième preuve qui est aussi très, très forte, mashallah, c'est quoi? C'est de dire que le Seigneur, exalté soit-il, ne nous a pas demandé de faire la salat seulement, mais il nous a demandé de faire la salat à l'heure. Il faut bien comprendre cette chose. Le Seigneur ne t'a pas dit fais la salat, il t'a dit fais la salat à l'heure. Maintenant, quand tu ne l'as fait pas à l'heure, alors à quoi ça sert de faire la salat? Naam, il t'a dit fais-la à l'heure. Si tu ne l'as fait pas à l'heure, tu n'as pas fait la salat. Naam. Tayyib, vous avez remarqué que je vous dis que je résume, mais sans le vouloir, je rentre en ça dans les détails. Al-Muhim, arkan son, quels sont les piliers du jeûne? Premièrement, il faut la niya, naam, il faut l'intention. Et l'intention joue un très grand rôle. Pourquoi? Parce qu'on peut ne pas manger du lever du soleil jusqu'à son coucher sans avoir l'intention de faire le jeûne. C'est-à-dire, par exemple, ne pas se réveiller. Non, ne pas se réveiller jusqu'au coucher du soleil. Et la nuit, je n'ai pas dit dans mon cœur, demain je vais faire le jeûne. Ou bien, c'est comme quelqu'un qui est malade, le médecin lui dit, il faut que vous vous absteniez du manger et du boire toute la journée, Inch'Allah, pour que votre santé, pour que vous recouvriez votre santé et que Inch'Allah Ta'ala elle s'améliore. Alors celui-là, il ne va pas manger du lever du soleil jusqu'au coucher. Mais a-t-il jeûné? Il n'a pas jeûné chez Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il faut l'intention dans le cœur. Il faut que tu aies l'intention dans le cœur. En ce qui concerne l'intention, il y a deux façons. Ou bien, et c'est la meilleure, ou bien on la fait chaque soir, et c'est la meilleure des choses. Chaque soir, l'âme, l'insan, se dit dans son cœur que demain je vais jeûner. Et par exemple, quand il se lève pour le sohur, pour manger avant le lever du sohur, avant le fajr, c'est quoi? C'est une preuve qu'il a l'intention de jeûner. Naam. Parce que l'intention en islam, ça ne se dit pas avec la bouche. On ne dit pas je vais jeûner demain. Car beaucoup de gens font cette faute et disent demain, ya Allah, je vais jeûner, ou bien Allah, je vais jeûner le mois de Ramadan. C'est pas la peine de dire cela, ça rentre dans la bid'a. Le fait que tu dises dans ton cœur et que tu aies l'intention, classe, c'est que Inch'Allah Ta'ala, tu as l'intention. Donc la meilleure des choses, c'est de faire l'intention chaque soir. Si on ne fait pas chaque soir, il y a une deuxième possibilité, c'est quoi? C'est de faire l'intention une fois pour tout le mois. Une fois pour tout le mois. Non? Maintenant, par exemple, si vous remarquez, Inch'Allah Ta'ala, on a tous l'intention dans le cœur que le mois prochain, Inch'Allah, on va jeûner. C'est que, alhamdoulilah, dès maintenant, on a l'intention dans le cœur. Et celui qui ne va pas jeûner, dès maintenant, il a aussi l'intention dans le cœur. Il y en a des gens qui, dès maintenant, il se dit dans le corps, moi je vais manger. Non, je vais m'amuser, plaisanter et manger. Je ne vais pas jeûner. Donc les intentions, c'est une chose qui se trouve dans le fort intérieur. C'est une bid'a de prononcer et de dire, demain je vais faire siyam. Allez, premièrement. Deuxièmement, non, l'intention, il faut qu'elle soit avant. Avant le fajr. Avant le fajr. Sauf pour le jeûne quand il est surérogatoire. Le jeûne, quand c'est une nafila, comme le lundi, le jeudi ou bien Ashura ce soir, quand c'est seulement surérogatoire, beaucoup de ulama man yajib, naam, ala man yajib, qui doit obligatoirement jeûner, c'est-à-dire qui doit et qui ne doit pas, qui doit jeûner et qui lui est-il permis de ne pas jeûner. يجب صوم رمضان على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس. Alors, il est obligé de faire, yani de jeûner, qui, premièrement, le musulman, deuxièmement, العاقل, celui qui raisonne, troisièmement, البالغ, celui qui est pubère, as-sahihu, celui qui peut, qui est en bonne santé, etc., qui a la puissance, non, qui n'est pas malade. Cinquièmement, al-muqimu, celui qui n'est pas voyageur, non. Wa yajibu an takuna al-mar'atu tahiratan min al-hayd wa an-nifas. En ce qui concerne la femme, plus les conditions que je viens de citer, il faut qu'elle ne soit pas dans les menstrues, ni dans les logis, ni dans les monstrues, ni dans les logis. Très vite on va dire, donc, la première condition, il faut qu'il soit quoi? Il faut qu'il soit musulman. La première condition, il faut qu'il soit musulman. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. نعم, سورة التوبة. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Ça donne à peu près quelque chose comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et ce qui les a empêchés qu'on accepte d'eux, yani nafaqat, les dépenses, l'argent qu'ils donnaient en aumône, ce qui a entravé qu'on accepte cela, c'est quoi? إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ. C'était des mécréants. Ils ont mécru en Allah et en son prophète. Donc, vous voyez que celui qui mécroit en Allah et en son prophète, ça n'est pas accepté qu'il fasse les bonnes actions. Ceux-là ont voulu donner de l'argent aux pauvres, mais cela n'a pas été accepté. Donc, c'est pour ça qu'on dit, il faut qu'il soit musulman. Il faut qu'il soit croyant d'abord pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte de lui le jeûne. Naam. Mais, est-ce que, là il y a une question très importante, est-ce que le fait que le mécréant ne fasse pas le jeûne, puisqu'on a dit, il ne peut pas le faire, et même s'il le fait, il n'est pas accepté, parce qu'il est mécréant. Mais est-ce que cela veut dire que ce n'est pas obligé pour lui? En d'autres termes, est-ce que cela veut dire que s'il ne le fait pas, il ne va pas être châtié à cause du jeûne? C'est-à-dire qu'il va être châtié seulement à cause de la mécréance? La réponse, l'avis le plus juste, c'est quoi? C'est que le kafir, le mécréant, n'am, est contraint qu'il fasse comme le croyant, même dans toutes les obligations. N'am, le mécréant, il est obligé qu'il fasse comme le croyant, c'est-à-dire qu'il fasse la prière, qu'il fasse l'aumône, qu'il fasse la zakat, qu'il aille au hajj, qu'il blâme les choses condamnables, qu'il ne boive pas de l'alcool, qu'il ne fasse pas la fornication. Naam. Et maintenant, si quelqu'un, bien sûr, cela, vous pouvez le lire dans les livres des fondements du fiqh, ce qu'on appelle usul fiqh, نعم هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ Vous pouvez lire ce, là-bas, cette chose là-bas avec beaucoup de détails. L'avis le plus juste, c'est le kafir doit faire exactement comme le musulman. Maintenant, si quelqu'un va dire, mais comment d'un côté il doit faire et de l'autre ce n'est pas accepté de lui? Réponse très vite et très simple, naam, donc il doit faire jurisprudence. Jazakallahu khairan. Donc le kafir, on a dit que rien n'est accepté de lui qu'à condition qu'il devienne musulman. Donc, maintenant, c'est quoi la réponse? La réponse, il est obligé de prendre en compte la condition et de rentrer en islam pour que les choses soient acceptées. Non. C'est un peu comme celui qui est en état de lavage majeur, janaba, un homme ou bien une femme étant janaba, est-ce que s'il prie, sa prière va être acceptée? Elle ne va pas être acceptée. Non? Donc, est-ce qu'il va dire, donc, je ne fais pas la prière? On lui dit, non, tu vas te laver et tu vas faire la prière. La même chose on dit au kafir. Tu vas rentrer en islam, ensuite tu vas jeûner. Entre parenthèses, le jeûne, la janaba, ne marche pas en parallèle avec quoi? Avec la salat. Mais elle marche en parallèle avec le siyam. C'est-à-dire que quand un homme ou une femme est avec la janaba, elle se lève le matin en janaba, elle dit pas je peux manger puisque je suis en janaba ou je vais pas faire le jeûne. Elle jeûne et après vers 9h ou vers 10h ou je ne sais pas quand, cette personne se lave. Parce que la janaba n'a pas de contradiction avec quoi? Avec le siyam. Mais elle se contredit avec la salat. C'est pour ça qu'il y a une petite bida. Il y a une petite bida que j'ai vue en Algérie, sûrement qu'il doit y avoir ailleurs. Beaucoup de gens, les awam qui n'ont pas d'ilm, la veille du ramadan vont aller au bain mort pour se laver. Non. Pourquoi? La bida est basée, non, une innovation. Cette innovation est basée sur quoi? Est basée sur l'ignorance que je viens de citer. Ils croient que le ramadan n'est pas accepté si on est en janaba. Car ceux-là, la plupart, peut-être qu'ils ne font pas la prière, donc ils sont tout le temps en janaba. Alors ils vont se laver, pourquoi? Pour que leur jeûne soit accepté. Et pour que je sache où est-ce que j'étais, donc le kafir, il est obligé de rentrer en islam et de faire le jeûne et de faire la prière, etc. Maintenant, s'il ne fait pas le jeûne, qu'est-ce qui va se passer? Il va être châtié demain deux fois. La première, pour la généralité du kofr, c'était un kafir. Et deuxièmement, le deuxième châtiment, pourquoi? Pour les détails. Pour ne pas avoir jeûné, pour ne pas avoir prié, pour avoir fait le haram, pour avoir menti, pour avoir volé, pour avoir mangé le cochon, pour avoir bu l'alcool. Et comme ça, chaque chose qu'il a faite, ce sera un deuxième châtiment pour lui. Le délit, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. Regardez Allah ta'ala qu'est-ce qu'il a dit. وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. C'est-à-dire, il y aura un châtiment pour les associateurs qui ne font pas la zakat. Est-ce qu'un mécréant, un associateur, doit-il faire la zakat? Ça veut dire oui, il doit faire la zakat. Et comme on n'est pas accepté, alors il doit rentrer en islam pour la faire. Maintenant, s'il meurt, il ne la fait pas, il a un châtiment pour ne pas l'avoir faite spécialement. Weylun, un châtiment pour l'associateur à cause de la zakat. Et aussi à cause de la salat. Car le jour du jugement dernier, quand les gens du paradis vont aller voir les gens qui sont en enfer. Vous savez, le jour du jugement dernier, la résurrection, certains seront au paradis, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse deux, et certains, ou là beaucoup, seront en enfer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous éloigne d'eux. Maintenant, quand les gens du paradis veulent aller voir les gens de l'enfer, il y en a qui a son père en enfer, l'autre à sa femme, l'autre à ses enfants, l'autre à son voisin, l'autre à son cousin. Lorsqu'ils vont aller les voir, Allah Ta'ala a dit ici, dans ce verset, que les gens du paradis vont voir les koufars qui sont en enfer. C'est un peu comme, comme lorsqu'on va voir quelqu'un dans la prison. Il y a des jours, il y a des heures où tu peux aller voir le kafir ou là celui qui est en enfer. C'est les anges, bien sûr, qui s'occupent de tout cela. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand ils vont voir les gens de l'enfer, il va y avoir un dialogue entre eux. Ils vont dire quoi? Ils vont dire, qu'est-ce que vous faites ici en enfer? Que va répondre le kafir? La première réponse qu'il va dire, il va dire, je ne faisais pas la prière. Subhanallah al-Azim. C'est cité dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ma salakakum fi saqar, qui vous a fait venir en enfer? Qalu lam nakum min al-musallin. Ils ont dit, on ne faisait pas la prière. Donc c'est une preuve que quoi? Que le kafir doit faire la prière et qu'il a été châtié à cause de la prière. Wa lam nakun nut'imu al-miskin. Et aussi, on n'était pas soucieux de nourrir le pauvre. Donc c'est un deuxième péché. On est en enfer à cause de n'a pas avoir fait la salate et aussi de ne pas avoir fait manger le pauvre. Donc même le kafir, il est obligé qu'il fasse, comme j'ai dit tout à l'heure, comme le musulman. Et la différence entre lui et le musulman quand on fait la faute, c'est quoi? C'est que le musulman est châtié une seule fois. À cause de quoi? À cause de la faute qu'il vient de faire. Quant au kafir, il est châtié deux fois. Une fois à cause de la chose, la faute qu'il vient de faire, et la deuxième chose à cause du kofr. Donc deux fois. C'est pour ça que Allah Ta'ala a dit dans le Coran, الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. Ceux qui ont mécru et se sont éloignés du sentier d'Allah, زدناهم, on leur a rajouté un châtiment sur un châtiment. Le premier châtiment, le châtiment du kofr, et le deuxième châtiment, le châtiment de ne pas avoir fait les choses obligatoires ou d'avoir fait les choses illicites. Naam, deux adab, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, premièrement, on avait dit qui? Le musulman, celui qui doit faire le jeûne, il doit être croyant. Deuxième condition, al-aqil. Al-aqil. Al-aqil, c'est celui qui quoi? Celui qui a la raison. Naam, celui qui a la raison. Sinon, c'est impossible que quelqu'un, qui soit fou par exemple, ou qui a perdu sa tête, c'est impossible qu'il puisse faire quoi? Il puisse faire les adorations. C'est en ce sens que Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, l'Islam, a interdit toute chose qui porte atteinte à quoi? À la raison. Toute chose qui se mange, ou qui se boit, ou qui se fume, si elle me fait perdre la raison, de façon à ce que je ne sache plus ce que je dis ou ce que je suis en train de faire, cette chose est haram, même si les gens l'appellent par d'autres noms. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que certains de ma nation vont boire l'alcool en l'appelant avec un autre nom. Naam, certains gens croient que en appelant l'alcool d'un autre nom, ça va changer de jugement, ça va devenir licite alors que c'était illicite. Naam, au lieu de dire l'alcool, au lieu de dire le vin, on dit comme ils disent, par exemple, certains disent par exemple al-mashroubat ruhiya, les boissons ruhiya, je ne sais pas comment on dit ça en français, yani mashallah qui te rend yani l'âme. Naam, l'autre il va dire ce n'est fabriqué que de blé, c'est une bière, c'est pas de l'alcool, c'est de la bière, c'est fabriqué seulement avec quoi? Avec du blé. L'autre, il va dire, la drogue, il n'y a pas la drogue dans le Coran. Cite-moi un verset où il y a le mot drogue. Ou bien donne-moi un hadith où il y a le mot drogue. Il n'y a pas, Allah Ta'ala a parlé de l'alcool, si tu n'as pas parlé de la drogue. Donc c'est permis. Alors que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, al-Ahmatullah, a dit que la drogue, c'est beaucoup plus grave que l'alcool. C'est pour ça que celui qui se drogue, en Islam, il doit être tué la première fois. Non, ce n'est pas comme celui qui boit l'alcool. La première fois, c'est-à-dire après lui avoir appris qu'il ne fallait pas se droguer, après l'avoir admis dans un hôpital pour qu'il se soigne, etc. Après il sort, il va se droguer. Celui-là, il n'a pas le droit de vivre. C'est pas moi qui lui enlève ce droit, c'est celui qui l'a créé. Parce que c'est un microbe, c'est un virus, et il va faire beaucoup de mal aux gens. Il va apprendre cette chose aux gens, et cette chose, quand elle se colle en une personne, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile de s'en départir. Pour vraiment avoir de la foi, une foi vraiment solide, pour s'en départir. Je disais, c'est pour ça qu'en islam, toute chose qui entrave à la raison est interdite. Est interdite. Naam. Kullo muskir haram. Toute chose qui te rend sourd, qui te fait perdre la raison, elle est haram. Même si c'est un fruit. Je vous ai dit une fois, en Algérie, il y a un fruit, mais je n'ai pas trouvé son nom. Il ressemble aux fraises. Il ressemble aux fraises, avec la différence que la fraise, elle... Comment on dit le mot, elle se plante, on la trouve sur le sol. Non, celui-là, c'est un petit arbre, disons un buisson. Voilà, il ne ressemble pas à la fraise en cette chose. La fraise, c'est en bas sur le sol, tu la cueilles, tu la plantes, et l'autre, c'est un petit arbre, comme un buisson comme ça, qui donne une chose qui ressemble aux fraises, mais qui n'est pas ovale, qui est ronde comme un raisin. Non, et avec la même couleur de la fraise. Ça s'appelle l'enj en Algérie. Cette chose, si tu en manges beaucoup, 15-20, tu perds la tête. Tu ne sais plus ensuite ce que tu dis. Naam. Le cerisier, on me dit le cerisier. Non, ce n'est pas les cerises. Le cerisier, ça donne les cerises. J'ai dit, ce n'était pas un arbre. C'est juste un buisson comme ça. Naam. Il ne se trouve pas partout, c'est dommage, mais il se trouve en Algérie. Et les cerises, bien sûr, les cerises ne font pas perdre la raison, bien sûr. Les cerises, tu peux en manger 2 kilos, il ne se passe rien. Seulement que tu vas rester une demi-heure dans les toilettes, c'est tout. Mais la tête, tu l'as toujours avec toi. Je disais que cette chose, si on l'a mangée, on en mangeait beaucoup, subhanallah al-azim, elle fait tourner la tête, ensuite on ne sait plus ce qu'on dit. Donc, celui qui la mange avec l'intention de se faire tourner la tête, cette chose devient haram, et c'est comme s'il avait bu de l'alcool. Et c'est comme s'il avait bu de l'alcool, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première condition c'est quoi? La deuxième condition c'est il faut qu'il soit raisonnable. Il ne faut pas qu'il soit fou. C'est pour ça que le fou, même s'il prie, ça n'est pas accepté. Même s'il jeûne, ça n'est pas accepté. Même s'il donne de l'argent aux pauvres, ça n'est pas accepté. Pourquoi? Il n'y a pas le qasd. Il n'y a pas la volonté. Il n'a pas voulu cette chose. Il l'a faite comme ça, par folie. Sans qu'il sache ce qu'il est en train de faire. En islam, pour que la chose soit acceptée, il faut qu'elle soit avec intention pour Allah. C'est pas seulement yani, elle vient d'elle-même. Il faut que toi tu la fasses. Tu la veuilles pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, avec une deuxième condition, il faut qu'elle soit yani, wifra sharia. Il faut qu'elle ne se contradise pas avec l'islam. Non, mais le fou, et celui qui a perdu sa raison, on accepte de lui sa zakat. Bien au contraire, il est obligé qu'il fasse sortir la zakat. Vous allez me dire, comment qu'il sait, c'est un faux. On lui dit, son tuteur, son père par exemple, doit faire sortir la zakat si son fils qui est fou a de l'argent dans la banque. Non? À chaque fois, il fait sortir la zakat de son fils. La zakat de son fils. Vous allez me dire pourquoi. Je dis parce que la zakat, c'est un droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit pas qui c'est qui la possède. Est-ce que c'est un homme ou là c'est une femme? Est-ce que c'est un enfant ou là c'est un... Non, on voit, est-ce qu'il y a de l'argent ou il n'y a pas. Il y a de l'argent ici, donc il y a le nisab, ça a atteint une certaine somme. Donc, une fois par an, on doit faire sortir l'argent. Non, même s'il est fou. C'est pour ça que le fou, par exemple, le fou, si jamais il brûle une maison, ou bien casse, par exemple, une voiture, ou le pare-brise d'une voiture, il est obligé qu'il paye. Non, on ne va pas dire, ah, oh, c'est un faux, ah, oh, c'est dommage. Non, le fou, on l'attrape, et on l'emmène au commissariat, et on cherche s'il a des papiers ou s'il n'a pas, si on trouve un numéro de téléphone, on appelle son tuteur, et son tuteur, on lui montre la voiture. On lui dit, regardez ce qu'il a cassé, et regardez la maison qu'il a brûlée. Il ne va pas nous dire, c'est un faux. On lui dit, ça, c'est un fou. Naam, on est d'accord avec vous, c'est un fou, ça veut dire qu'il n'a pas fait de péché. Il ne va pas aller en enfer. Mais il a fait des dégâts. C'est un dégât matériel. Il m'a brûlé ma maison, il m'a cassé mon pare-brise. Vous devez me rembourser bi-idhnillahi azza wa jal. Naam. Tayyib. Al-baligh. Troisièmement, première condition, il faut qu'il soit musulman. Deuxième condition, il faut qu'il soit raisonnable. Naam. Troisième condition, il faut qu'il soit pubère. Quelqu'un qui n'a pas atteint la puberté, il n'est pas obligé qu'il jeûne. Mais s'il veut jeûner, c'est accepté. Naam. Et son tuteur qui lui a dit de jeûner, il aura aussi des hasanats. Il aura des hasanats. Pourquoi? Parce que il l'a poussé à faire quelque chose que Allah Ta'ala aime, et en même temps, il est en train de l'entraîner et de lui faire apprendre quelque chose que Allah Ta'ala aime. Donc, celui qui n'est pas pubère, ce n'est pas obligé pour lui qu'il fasse la prière ni le jeûne. Et la prière, il doit la faire à partir de 10 ans. Mais s'il l'a fait avant, comme je viens de dire, celui qui l'a poussé à faire aura des récompenses. Aura des récompenses. Naam, al-baligh, quand est-ce qu'on sait que quelqu'un maintenant est pubère? On sait cela par trois signes chez le sexe masculin et quatre signes chez la femme. Naam, quant au sexe masculin, yani le garçon, pour qu'il soit pubère, qu'est-ce qu'on doit voir? On doit voir est-ce que il a commencé à avoir des poils sous les aisselles ou bien dans ses parties intimes, naam, ou bien le deuxième signe, on voit est-ce que il a commencé à avoir des songes érotiques, naam, est-ce qu'il a commencé à avoir des songes érotiques de façon à ce que lorsqu'il se lève le matin, il a par exemple les vêtements intérieurs déjà mouillés. C'est le deuxième signe. Le troisième signe, on voit, s'il n'y a pas les deux premiers signes, on voit est-ce qu'il a atteint 15 ans. S'il a atteint 15 ans, khlas, on lui dit tu commences le jeûne. Tu es obligé de le commencer, même s'il n'a pas des poils dont je viens de parler. Et pour la femme, c'est la même chose. Les trois signes que je viens de citer, plus le quatrième, c'est quoi? Le quatrième, c'est les monstrues. Même, donc, si elle a les monstrues à l'âge de 10 ans, elle est pubère. Si elle a les monstrues à l'âge de 9 ans, et c'est possible, elle est pubère. Donc, sinon, on attend qu'elle ait 15 ans. Si on ne voit pas les 4 signes chez la femme, ni les 3 signes chez l'homme, on attend cette personne qu'elle ait 15 ans. Après 15 ans, après dépasser les 15 ans, ces deux personnes ne sont plus excusées bi-idhnillahi azza wa jal. Naam. Regardez ce hadith en ce qui concerne que l'enfant, avant d'être pubère, on lui apprend le dîn, on lui apprend à jeûner quelques jours, etc. Une femme a dit, naam, alat fakunna, elle s'appelle Rubayya bint Mu'awiz. Elle a dit, radiallahu ta'ala anha, on faisait le siyam de Ashura, wa nusawwimu sibyanana, et on faisait jeûner nos enfants. On faisait jeûner nos enfants, siyam quoi? Ashura. Wa naj'alu lahum al-lu'ba min al-'ihn, et on leur faisait un jouet avec quoi? Un jouet avec la laine. Je pense que sûrement on lui faisait peut-être un petit ballon. Non, peut-être un petit ballon ou peut-être quelque chose comme ça qui ressemble à une poupée ou quelque chose comme ça. فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. Elle a dit, on prenait nos enfants, on les faisait jeûner et quand ils commençaient à pleurer, on leur donnait le jouet qu'on avait fait avec la laine pour que qu'il oublie jusqu'à ce que arrive le coucher du soleil. Naam. La troisième condition, Je répète la première condition, musulman, deuxième condition, raisonnable, troisième condition, pubère, quatrième condition, sahih. Sahih. Quelqu'un qui est malade, Allah Ta'ala ne l'a pas obligé à ce qu'il fasse le karam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Et question de salat, Allah Ta'ala ne l'a pas obligé à ce qu'il la fasse debout, qu'il la fasse de position assise. S'il ne peut pas sur le flanc droit, s'il ne peut pas avec les yeux, l'autre on dit avec le corps. Et comme ça, il n'y a pas plus simple et plus sale et plus facile comme l'islam. Non, l'islam jamais ne te force à ce que tu fasses une chose que tu ne peux pas faire. Ça n'existe pas en islam. S'il y a quelqu'un qui dit je suis obligé de faire quelque chose que je ne peux pas faire, on lui dit tu mens. Il n'y a pas cela en islam. C'est toi avec ton ignorance qui a cru que cette chose était obligée pour toi. Certes, cette chose est obligée, mais pas pour toi. Toi, tu ne peux pas. Toi, cette chose te dépasse. Tu es malade. Et comme ça. Donc, le malade, qu'est-ce qu'il fait? Il ne jeûne pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait, c'est-à-dire il attend que le ramadan se termine pour qu'il rattrape les jours où il n'a pas mangé. Pardon, un âme. Le jour où il n'a pas fait le carême. Un âme, il les rattrape. Il compte combien de jours il n'a pas jeûné. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il les rattrape. Mais des fois le malade a une maladie qui ne se guérit pas. Comme par exemple le cancer, comme le diabète. Comme ce sont des maladies, je ne dis pas qu'ils ne se guérissent pas, mais qui sont, disons, difficiles à guérir. Surtout par exemple comme le diabète. Non. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Celui-là, il mange. S'il ne peut pas, il essaye. Maintenant, quand il voit qu'il ne peut pas, qu'est-ce qu'il fait? Il mange, et au lieu de rattraper, puisqu'il ne peut pas rattraper, il va faire nourrir pour chaque jour manger un pauvre. Et il choisit entre deux choses, ou bien de faire nourrir chaque jour pour chaque pauvre. J'ai mangé aujourd'hui j'ai mangé la journée, le soir, je fais venir quelqu'un, il va manger avec moi. Ou bien, j'attends, comme a fait Anas radiallahu ta'ala anhu, il a mangé tout le mois, et ensuite, à la fin du mois, après l'Aïd, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé, il y a 30 pauvres, et il leur a fait, comme ça, dans une grande marmite, il leur a donné à manger, jusqu'à ce qu'il se soit rassasié. Donc on choisit entre les deux. Ou bien c'est le soir même qu'on fait manger quelqu'un, ou bien c'est quand le ramadan se termine. Ensuite, la façon de le faire manger, ou bien on cuisine et on lui fait manger, ou bien on va par exemple dans un restaurant, on lui dit viens, tafadlal, rentre dans ce restaurant, mange, c'est moi qui paye, ou bien on lui achète des choses, on lui achète par exemple un peu de pommes de terre, un peu on lui achète des choses, un peu de viande et on lui dit, un peu d'huile, etc. On lui dit, Inch'Allah ta'ala, voilà pour que tu cuisines. Tu cuisines chez lui. Naam. Tayeb, j'avais autre chose ici, je n'oublie pas, je voulais dire aussi quelque chose ici. Naam. Et pour... Bon, khali, ça va arriver, Inch'Allah, dans les monstres. Tayeb, al-balir, sahih, naam, c'est pour le malade. Les ulamas ont dit aussi que rentre dans le malade, c'est-à-dire qu'il peut manger et rattraper aussi, qui, ils ont dit, la personne qui travaille dans des travaux pénibles, difficiles, éreintants, essoufflants, épuisants. Il ne peut pas. Certaines personnes, par exemple, travaillent dans des mines, sous la terre, dans des conditions très difficiles, très très très difficiles. C'est pour lui insupportable qu'il puisse jeûner. Les ulama ont dit, cette personne, si vraiment elle ne peut pas jeûner, elle peut manger. Et qu'est-ce qu'elle fait? Plus tard, quand elle sera dans le congé, elle va rattraper. Si elle ne peut pas rattraper, elle n'a pas de congé, elle fait nourrir. Pour chaque jour manger, un pauvre. Mais, ils ont dit, à condition, quelle condition? C'est que cette personne n'a pas trouvé d'autre travail. Naam. Car il est possible que ce minier par exemple, il a trouvé un autre travail, il dit non, je préfère cet argent, ce travail à cause qu'il me fait rentrer beaucoup d'argent. Alors qu'il a trouvé un autre travail avec moins d'argent, mais dans ce travail avec moins d'argent, il pouvait, s'il avait voulu, il pouvait jeûner. Celui-là, il n'a pas d'excuse. Non, celui-là, il n'a pas d'excuse. Et cinquièmement, il faut, celui qui doit jeûner, il faut qu'il soit moqim. Il ne faut pas qu'il soit un voyageur. Car si c'est un voyageur, il a le droit de manger. Si c'est un voyageur, il a le droit de manger. Il est libre. Il a dit, il ne peut pas jeûner. C'est interdit qu'il jeûne. Même s'il a jeûné, il a dit, il doit le rattraper. Donc vous voyez l'avantage de celui qui mange. Si tu manges, tous les ulama ont dit, c'est permis de manger. Mais si tu jeûnes, certains ont dit, ce n'est pas permis. Comme je viens de citer ici, Ibn Hazm. Mais le plus juste, Inch'Allah Ta'ala, le plus juste c'est quoi? Le plus juste, c'est que chaque personne est libre. Chaque personne est libre. Si elle veut, elle mange. Si elle veut, elle jeûne. Maintenant, si on veut dire, mais quel est le plus prédominant? Disons, le mieux. Le mieux. Est-ce que le mieux, si je voyage, c'est de manger ou le mieux, c'est de jeûner? Je dirais, Inch'Allah Ta'ala, la vie avec lequel je suis convaincu, et c'est aussi la vie de Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah irhamou, c'est quoi? C'est que la meilleure façon, ou la vie le plus juste, c'est de jeûner. C'est de jeûner. Premièrement, Allah Ta'ala a dit, « Wa anta sawmu khayrun lakum. » Il a dit, et si vous jeûnez, c'est mieux pour vous. Deuxièmement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait les voyages, la plupart du temps, il jeûnait. C'est pour ça qu'il y a un hadith dans le Bukhari, je ne suis pas très sûr dans le Bukhari, mais c'est un hadith sahih. C'est un hadith sahih. Où un compagnon qui s'appelle Abu Darda, radiallahu ta'ala, a dit, on était avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans une journée vraiment chaude, pendant le ramadan, au point où ça faisait tellement chaud que nous mettions nos mains sur nos têtes. Subhanallah al-Azim, imaginez, il fait tellement chaud que tu mets ta main sur ta tête pour que le soleil ne te fasse pas mal. Ici, qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Il a dit, ce compagnon radiallahu ta'ala anhu, « il n'y a aucun de nous qui faisait le carême. Il n'y a aucun de nous qui jeûnait ce jour-là. Illa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ou Abdullah ibn Rawaha. Sauf deux personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abdullah ibn Rawaha. Donc qu'est-ce qu'on prend de ce hadith? On prend que la majorité des compagnons qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas jeûné. Donc si tu veux manger, tu manges. Regarde, la plupart des compagnons n'ont pas jeûné. Et on prend quoi aussi? On prend que si tu veux jeûner, tu jeûnes. Et c'est mieux encore, car deux personnes ont jeûné. Et entre autres qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abdullah ibn Rawaha, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeûné. Donc si tu jeûnes, c'est mieux. Allez, premièrement. Deuxièmement, quand tu jeûnes pendant le ramadan en voyage, pourquoi c'est mieux? Quand tu t'es, bi'idhnillah ta'ala, comme si je puis dire cette phrase, tu t'es débarrassé de tes dettes. Naam. Parce que quand tu ne jeûnes pas, c'est une dette que tu viens de te mettre sur ton dos, là, sur tes épaules. Naam. Et quand on a des dettes, ce n'est pas facile. Imaginez quelqu'un qui a des dettes, des fois il ne dort pas. Naam. Mais toi, alhamdoulilah, tes épaules, yani, sont libres. Tu as libéré tes épaules des dettes. Tu n'as aucune dette sur les épaules. C'est dit deuxièmement. Troisièmement, pourquoi on mange, c'est mieux? Parce que c'est plus facile. C'est plus facile quand on voit que tout le monde a jeûné. Donc jeûner avec les gens, c'est plus facile. Mais si tu laisses pour après, tu seras peut-être le seul dans ta ville ou je ne sais pas, dans ma maison, qui est en train de jeûner. Alors que les autres sont en train de manger. En ce sens, c'est un peu difficile. Et quatrièmement, pourquoi aussi c'est mieux de jeûner? C'est parce que si tu jeûnes maintenant, tu as jeûné ce jour pendant le ramadan. C'est-à-dire pendant son temps demandé. Alors que si tu jeûnes après, tu vas jeûner ce jour après le ramadan. Bien sûr, il est accepté, mais il n'est pas tombé yani, en son heure et en son moment yani, parfait. Son moment parfait, c'est que tu le fasses pendant le ramadan. C'est pour ça que c'est le quatrième délit, la quatrième preuve qui dit que plutôt, yani, on doit quoi? On doit, si on peut, plutôt jeûner que manger. Mais je dis toujours, ce n'est pas une obligation. Et je vais terminer avec sixième condition. Il faut que la femme n'ait pas les menstrues ni les logis. Non. Une femme qui a les menstrues, elle est obligée de manger, bien sûr. Enfin, disons, elle est obligée de ne pas jeûner. Si elle jeûne, elle a fait un péché. C'est pour ça que beaucoup de femmes ont peut-être honte. Peut-être honte quand elles ont par exemple les menstrues devant leurs enfants ou là devant eux de manger. Bien sûr, l'islam ne t'a pas dit de le faire devant les enfants. Mais parce que c'est difficile de rentrer dans la cuisine et d'avaler une cuillère d'eau. Parce que c'est difficile. Déjà avec la niya, déjà avec l'intention de dire je n'ai pas fait le carême aujourd'hui, déjà on n'a plus le carême. Et pour être plus sûr, on mange quelque chose, juste on avale. Une gorgée d'eau, sras, j'ai perdu mon siyam. Naam, quant à celle qui a démontré les logis, naam, il ne lui est pas permis de rattraper après l'autre ramadan qui va venir. Sinon, elle va rattraper avec quoi? Elle va rattraper avec des péchés. Naam, il faut qu'elle rattrape avant que l'autre ramadan, le prochain ramadan ne vienne. Comme dans le hadith Aïcha, radiallahu ta'ala, le hadith authentique, qui disait que j'avais des dettes et que je l'ai laissé jusqu'à Sha'ban. Pourquoi? Parce que j'étais beaucoup occupé des affaires du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non, elle n'avait même pas le temps de jeûner, elle le laissait jusqu'à Sha'ban. Donc c'est interdit, se basant sur ce hadith, les ulama ont dit. Donc c'est une preuve, c'est interdit de le laisser après Sha'ban. Parce qu'elle a dit que je le laissais jusqu'à Sha'ban. Donc le maximum, c'est Sha'ban. Maintenant, si une femme laisse ses dettes jusqu'au yani que vienne le nouveau Ramadan, et ensuite elle va les faire après, elle les fera avec des péchés, mais elle n'est pas obligée, comme disent beaucoup de gens, elle n'est pas obligée de faire nourrir avec chaque jour yani un mendiant ou un pauvre. Non, elle n'est pas obligée. Elle est obligée seulement de rattraper le jour et non pas de faire nourrir un autre ou là de faire yani une aumône. Mais si elle veut le faire, elle est libre. Si elle veut le faire pour la cause d'Allah, elle peut. Mais sans dire que c'est une chose obligatoire. Elle le fait pour rattraper ses péchés ou là pour que Allah lui pardonne. Ça, c'est entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. Je m'arrête ici, inshallah ta'ala. Naam. Qasi Salaf, c'est quand Salat l'Isha chez vous? C'est quand Salat l'Isha chez vous? Naam. Salat l'Isha, c'est quand chez vous? C'est déjà passé. Ah, c'est déjà passé. Hein? Pour ceux qui ou celles qui n'ont pas fait Salat l'Isha, c'était 22h. 22h. Et combien qu'il est maintenant? 22h. C'était à 21h30. L'Isha, Masha'Allah, 21h, c'est-à-dire 22h30 chez vous. Naam. Tayyib, préparez-vous, Inch'Allah ta'ala, pour les questions, bi'idna subhanahu wa ta'ala, dans 10 minutes, Inch'Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. On va passer à